Ok. Minuit. Asté. Si, si. On aïe. Fonctionne ici. Aïe. Ok. Je consomme de la Sensi et un demi-litre de whisky. Je mets vache comme mat après un son de baryton Levy. Je rêve de mille et une vie. Je rêve de mille et une nuit. Encore gagner de jackpot au casino. Avec une chiennasse qui me roule mes gros joints dans l'auto. On perd pas de temps, grognasse. Allez, vas-y, suce mon gland catin. Bah ouais, je rêve de ça parfois. Je rêve de faire des pompes par Clara Morgan dans une vodcar. Et tirer de trois lattes sur un spiff de Zeb. Le dernier tour à mes camarades jusqu'au toncar. Car c'est l'insolent qui débarque pour cette nouvelle année. Ça, c'est vrai. Je débarque, mais bon, le thème c'est rêve. Donc je rêve en pocher le million, avoir la paye du président, être tout le temps mignon, être le roi comme Simba. Mais bon, ce n'est pas le cas, ce n'est qu'un rêve. L'état pour qu'on crève à genoux, la corde au cou. C'est pour ça je rêve de buter un flic dans mon bâtiment. Y'a pas de châtiment, je rêve de me barrer loin d'ici, loin de ces PD. Faire pousser de la ganja, été comme hiver. Pénétrer dans les prisons et libérer tous mes gangsters. D'être que les pédophiles et les violeurs, qu'ils aillent en enfer, je suis déter. Je rêve de misère, mais aussi de choses bien, comme fonder une famille, avoir un chien. Fumer des blondes dans le jardin, et ouais mon copain. Je rêve du mal et du bien, la pauvreté et de la richesse. Rouler en Mercedes-Benz, toujours avoir de l'espèce dans les cheveux de mon Starco. Les jaloux vont me haïr, et comme Jifa, viser plus haut que le grand vizir. M'endormir en plein milieu de diamants du Zahir. Donner du plaisir à Pamela Anderson. Putain ce rêve il cartonne. Je rêve aussi d'être l'assassin de tous les politiciens. Ces sales chiens qui brûlent tous à l'Elysée. Je rêve aussi de voir tous les keufs qui m'ont soulevé. Tous me noter, ouais je vais tous les baffer. Avant de les enterrer vivants. Et en dernier je vais séquestrer les procureurs et les juges qui veulent nous emprisonner. Les empoisonner comme je le ferais un homosexuel. C'est du harcèlement textuel, asté c'est du réel. Lyrical, fusillade. Je rêve propre comme crade, ça pète comme à Bagdad. Je consomme de la Sensi et un demi-litre de whisky. Fommage mes pattes après un son de baryton Levy. Je rêve de mille et une. Je rêve de mille et une. J'ai l'impression plus je rêve, plus je me dégrade. Je te jure c'est hard comme le premier samedi du mois. Ma foi je rêve comme toi gars. Je m'en rappelle même quand j'étais minga. Je rêvais du Père Noël et de ses règles. Mais ce fils de pute n'a jamais existé. A l'époque je lui avais demandé un putain de VTT. J'ai jamais vu sa couleur, j'ai eu une sale douleur. J'étais obligé de chouara. Je rêve du pire et du meilleur. Comme d'être le meneur, tout niqué comme Maradona. Sur le terrain et que les supporters fassent la hola. Je consomme de la Sensi, voilà. Asté pour 2008, l'année de la cuite. Je consomme de la Sensi et un demi-litre de whisky. Je mets vache comme mat après un son de baryton Levy. Je rêve de mille et une vie, je rêve de mille et une nuits. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr